Encore un rap car est censé, y'aura pas de censure. J'aime quand c'est parfait, donc à l'entrée t'enlèves tes chaussures. Je vois que ça va trop vite, pour toi je vais y aller calmement. Au lieu de parler dans le vide, écoute plutôt comment je calme mes mots. Rien d'étonnant, je veux pas finir coincé dans l'étonnant. L'essence dans le tonneau, y'a plus qu'à presser le détonateur comme Furax. Je suis pour être mémorable, j'avance et j'ai le moral. Alors vois-tu, je fais l'amour mémorable. Je sais que t'as kiffé la phase, à chaque rime j'ai la classe. Quand ça passe, c'est pour te gifler la face. J'ai maîtrisé la base, mon son vient briser la glace. Ça piave, ouais, mais sans regret comme Edith Piaf. Viens du taf, te fais du chemin à parcourir. Encore la punchline est inévitable, comme une barre de rire en cours. Mon rap t'a pris au corps et t'as pendu haut et court. Mais j'ai pas le temps à perdre quand je vois la pendule. L'heure s'écoule, un couplet c'est court. Mais assez pour que les putes s'écroulent quand je rappe c'est gore. Ça je te fais pas dire, ouais, je me suis trop battu. Ça fait un bail que le combat dure en guerre contre ma feuille. Et mon poignard des courses, c'est devenu tous, m'en veux pas. Mais pour beaucoup, ça sera la fin du rap. Oublie la tune, t'auras de la frappe jusqu'à la fin du mois. Et ouais, y'aura du rap pour tout ce temps de manque. Mon gros sont les gourmands, dis-moi si je le gourmand. J'ai des phases qui font et qui tapent. Moi et mon équipe, on veut nos parts équitables. Méfie-toi de l'eau qui dort et de mes couplets d'art. Ouais, qui valent des lots qui dort et viennent de couper la tête. Si le silence est d'or, mon rap a très peu de valeur. La richesse est dans les mots, alors me traitez pas de voleur. Je vais leur faire un truc de ouf pour 2012. Ouais, si des MC parlent, je vais les canner par demi-douzaine. Marre des conneries, tu sais, des Tony qui essayent de faire du rap, mais tiennent le micro comme des petites pucelles. Je pose, c'est le beat qui saigne. Je sais que tu vas kiffer, c'est du lourd face à moi. Y'a même le king qui cède. Zokra à la prod, je la descends comme un stream. Ficelle dessus, y'a de la bonne rime viscère. Et tous les jaloux dans le viseur, ça vient de sens, tu vois. Sens-tu le poids? Avant de baiser l'instru, je l'ai caressé dans le sens du poil. Moi je tire sur tout le tas, mentir surtout pas. Gitano et tout bap, je reste un succès comme Tupac. Je pars d'en bas de l'échelle, mais c'est pas pour autant que mon rap bat de l'aile. J'ai pas de phase légère, laisse le mic et laisse gérer. Tu vois le sommet, avec ton cou en l'aise j'irai. J'ai la batterie pleine, pourtant la bague cherche à me passer les pinces. À croire que je suis cramé autant que le mic, une fois que c'est moi qui passe. C'est 2012, m'en veux pas, mais pour beaucoup ça sera la fin du rap. Oublie la tune, t'auras pas frappe jusqu'à la fin du mois. Et ouais, y'aura du rap pour tout ce corps de manque. Mon gros sont les gourmands, dites-moi si je me gourmande. J'ai des phases qui font c'est qui tapent. Moi et mon équipe, on veut le par équitable. Méfie-toi de l'eau qui dort et de mes couplets d'art. Ouais, qui valent des lots qui dort et viennent te couper la tête. C'est 2012, m'en veux pas, mais pour beaucoup ça sera la fin du rap. Oublie la thune, t'auras de la frappe jusqu'à la fin du mois. Et ouais, y'aura du rap pour tout ce corps de manque. Nombreux sont les gourmands, dites-moi si je me gourmande. J'ai des phases qui font c'est qui tapent. Moi et mon équipe, on veut nos parts équitables. Méfie-toi de l'eau qui dort et de mes couplets d'art. Ouais, qui valent des lots qui dort et viennent te couper la tête. RIFA frère, 8900, 2012, la fin du monde peut-être, mais pour certains ça sera la fin du rap, c'est sûr. Check ça.